quand tu veux. Voilà. Eh bien, alors, je commence. Eh bien, ce soir, Vivre et créer à la montagne est consacré à un génie de la montagne, ou proche de la montagne, à deux génies de la montagne, qui sont Francis Cuny, le sculpteur, et Yann Vanneck, le guitariste fou, le joueur de multiples instruments d'ailleurs, de jazz manouche, et qui est véritablement possédé par sa musique, comme Francis l'est par sa création de sculpture. Alors, c'est une rencontre qui a eu lieu à Trougemont, que je vous fais entendre évidemment ce soir, Yann Vanneck, qui est proche, puisqu'il habite à Planchers-les-Mines, et en même temps, il est la moitié de l'année en Polynésie, et où il va trouver ses inspirations. Et quand on l'écoute, on est saisi par la frénésie, l'immense inspiration qui s'empare de lui. Et après, avec lui, j'ai discuté, je n'ai pas enregistré, parce que on était en train de manger, de boire un coup, après le concert, et je lui ai dit, mais ça me fait penser à ce qu'on appelle, ce que Federico Garcia Lorca appelle El Duende, le génie qui se saisit de l'artiste, et notamment du musicien, et notamment en flamenco. Et c'est ça, il m'a dit, c'est ça, le génie qui prend et qui fait que l'artiste n'est plus lui-même, il est comme transporté dans une création totale. Alors donc, j'ai dit rendez-vous de deux génies, à la fois locaux, montagnards et internationaux, qui sont connus un peu partout dans le monde. C'est donc Francis Cuny et Yann Vanneck de part et d'autre du Massif. Alors, c'est donc à l'atelier de Trougemont de Francis Cuny que s'est déroulé un concert avec 150 personnes qui se sont retrouvées sur l'initiative de Brigitte Fleck et de Étienne Géin pour notamment aider Francis qui essaie de sauver sa fameuse cabane. Alors, c'est que le concert n'avait pas lieu à la cabane, elle est trop petite, la cabane de Travexin, mais il avait lieu à Trougemont, son atelier dans ses usines. Et là, on était au milieu de ces belles sculptures, en écoutant les quatre musiciens qui vont se présenter, d'ailleurs, on va constater la suite, qui entourent Yann Vanneck. Yann Vanneck, vraiment, époustouflant. C'est le seul mot, et vous entendrez l'enthousiasme de la foule. Alors, de la foule, pas foule, c'est pas une foule, puisque c'était un ensemble amical, 150 personnes, quand même. Alors, j'en profite aussi pour donner le programme des prochaines festivités. Les Arts Mélangés commencent bientôt, la semaine prochaine. Il y a plein d'activités, les Arts Mélangés à Roselotte, et dans la Com-Com des Hautes-Vosges. Et là, pour nous, pour moi en particulier, j'invite à un atelier d'écriture avec Stéphanelli, atelier d'écriture de la langue de travers et de l'Union des Clavogiens, justement, deux associations, mais parce que l'atelier s'appelle Ticandérien, comme le thème de la Com-Com. Alors, c'est donc, j'invite, le 9 juin, à 9h30, atelier à la médiathèque de Saulxures, sur ce thème, qui sont des liens, et notamment, ce sera autour, qui sont des liens avec le passé, en particulier l'ancien château de Saulxures, qui sont des liens aussi avec l'utopie, c'est-à-dire le futur, et puis le passé proche, 68, il y a 50 ans. Et puis, le 10 juin et le 13 juin, c'est la présentation de ma pièce de théâtre, Chemin de Lisière 2, Eldorado, à Blanchemer et aux Cascades de Tendon. Alors, à Blanchemer, c'est dimanche à 15h, dimanche 10 juin à 15h, et là, ça s'appelle donc Chemin de Lisière 2, Eldorado. On avait donné le Chemin de Lisière 1 en 2014, déjà, à Blanchemer, qui avait été créé là. C'est une histoire d'une errance un petit peu hors du temps, ou plutôt dans un temps, en futur, dans un futur indéterminé, dans des paysages étranges, avec des gens étranges. Là, la thématique se centre plutôt sur la recherche des mines de l'imaginaire perdu, et va nous amener à l'Eldorado. D'ailleurs, il y a vraiment un radeau qui remonte un fleuve qui peut être aussi bien la Moselle que l'Amazone à l'envers. Voilà. Et ça a été donné aux mines récemment. En plusieurs scènes. Et là, donc, ça sera donné à Blanchemer à 15h dimanche et au Cascade de Tendon. C'est par Petite Cascade, mercredi 13 juin, 15h, de Petite Cascade, et là, à Blanche-Mer, c'est un circuit, autour du lac, et avec des musiciens qui sont Christophe Poussin, Michel Génini, et l'improvisation au violon. Et à Tondon, ce sera Yael Calèche, où il y aura les musiciens, ce sera un parcours de la Petite Cascade à la Grande Cascade, où les scènes seront données, là aussi, en plein air. Et ça se finira dans un cas comme dans l'autre par un bœuf musical autour d'un pot offert, on pense qu'il fera beau, offert aux gens au bord du lac ou auprès de la Grande Cascade. Voilà. J'ai pris une petite fiche parce qu'il paraît que c'est moi qui dois présenter les musiciens. Donc brièvement, hein, je vais vite laisser la place aux musiciens, ne vous inquiétez pas. Donc, dans un moment d'exaltation, l'idée est de faire se rencontrer des artistes passionnés et hors du commun, animés par un esprit créatif sans limite, nous est apparu comme une évidence. Quel plaisir d'accueillir Yann et ses musiciens, Laurent, Pierre, Bertrand, dans ce magnifique espace, espace insolite, que Francis n'a pas hésité à mettre à disposition. Merci à tous d'être là, vous êtes très nombreux, et je crois que la générosité des artistes y est pour beaucoup. Générosité de Francis, que l'on remercie chaleureusement, il nous accueille dans son atelier peuplé de ses créations au travers desquelles il sublime des arbres condamnés. Et puis la générosité de Yann et de ses musiciens, qui ont répondu à notre invitation si spontanément, et avec un vrai enthousiasme, et qui vont nous enchanter et nous transporter dans leur monde musical extraordinaire et magique. Il y a des convergences à provoquer, des opportunités à ne pas manquer, des moments inhabituels, chargés d'émotions, qui nous portent loin et nous rendent meilleurs. Ça n'a à n'en pas douter ce que nous allons vivre ensemble ce soir. Place à la musique et bon spectacle. J'ai oublié, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones portables. Merci. Thank you.

Merci pour votre accueil de notre musique. On est très heureux de jouer dans ce lieu consacré à la création qui est vraiment extrêmement inspirant pour nous. Merci d'être là. C'est vraiment un moment particulier pour nous. On va découvrir le répertoire en même temps que vous parce que nous ne savons absolument pas ce que nous allons jouer. Nous allons jouer avec vos écoutes. Donc voilà, les morceaux vont entrer en résonance avec vous. Enfin, on va tout faire pour être vraiment au diapason et qu'il n'y ait plus l'idée d'un orchestre et d'un auditoire, mais que tout le monde, à travers une certaine écoute, participe à un bel orchestre symphonique ici, presque philharmonique parce que nous sommes nombreux. Donc merci d'être là. Le morceau qu'on vient de vous jouer, et je trouve que c'est le lieu qu'il a appelé, on ne l'avait pas prévu encore il y a 10 minutes, s'appelle Rêve. Et dans un monde moderne où les écrans ont tendance à diriger les hommes avec beaucoup trop de facilité, je trouve, les rêves, c'est encore une chose qu'on ne peut pas trop nous voler pour l'instant. Donc ce morceau parle de ça. Voilà. Alors, le morceau qui vient de Savigny, c'est une petite blague parce que normalement ça nous demanderait un peu plus d'échauffement, mais on l'a écouté. S'appelle Hermeto et c'est un morceau qui est un hommage à un musicien très important pour moi qui s'appelle Hermeto Pascoal. C'est un musicien brésilien. Je pourrais vous parler de lui pendant des heures, je ne vais pas le faire, c'est pas le propos, mais en tout cas, c'est une espèce de samba très particulière et une énergie qu'on trouve encore au Brésil dans certaines musiques et qu'on va essayer de vous transmettre. Donc merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Merci à Francis pour son accueil, à Étienne et à Brigitte qui sont allés me chercher jusque dans l'archipel des Gambiers à Mangareva pour qu'on puisse être là ce soir. Et merci à mes amis musiciens, et une fois de plus, merci à toutes et à tous d'être là. On va essayer de vous donner le meilleur de nous et que cette musique rende ce monde un peu meilleur. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vos écoutes. Donc on va continuer avec une petite composition de nous qui s'appelle Ad Vitam Aeternam. Alors même si c'est de la musique instrumentale et qu'il n'y a pas de parole au sens classique du terme, la musique instrumentale peut bien sûr raconter quelque chose. Chaque morceau a une histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça serait un petit peu long. Mais celle-ci, je peux vous en parler un tout petit peu. C'est une musique qui est venue il y a quelques années déjà dans un endroit du Pacifique Sud, qui s'appelle la presqu'île de Tahiti. Et ce jour-là, enfin ce soir-là, j'étais chez des Polynésiens qui m'avaient invité à leur donner de la musique. Et puis, au-delà de mon appréciation personnelle, à un moment, dans l'air, il y a eu quelque chose d'extrêmement rare, qu'on a du mal à percevoir en ce siècle. Et pour la première fois de ma vie, même si j'ai une certaine foi, et si je crois en d'autres formes de vie et d'autres formes de conscience, j'étais un peu triste de ne pas être immortel parce que j'aurais voulu rester sur une parcelle d'éternité dans ce moment. Et parfois la musique, elle offre cette grâce-là. Donc le morceau qu'on va vous jouer a une forme de répétition. Et peut-être qu'il n'engage juste qu'une chose, c'est à se rappeler que des fois il y a des moments merveilleux qu'on peut effectivement vivre. Comme le disait Brigitte, on essaie de les atteindre à chaque fois dans un monde qui ne les favorise pas, je trouve. Mais en tout cas, il y a certains éternels recommencements qui sont peut-être des bonnes choses parfois. Donc voilà, on va essayer de vous transmettre cette énergie-là qui vient donc de la simple beauté d'une soirée dans le Pacifique Sud, comme celle que nous passons avec vous ici aujourd'hui. J'en profite pour vous présenter à la percussion et à la batterie un musicien qui m'a beaucoup appris par sa précision, par son engagement dans tous les sens du terme. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est un maître pour moi. Donc Bertrand Monneret aux percussions et à la batterie. Bertrand Monneret. Et puis un autre musicien, donc qui est pour moi un pilier de cette musique. C'est lui qui m'a vraiment sorti littéralement de la forêt, au sens véritable du terme. Je pourrais aussi vous en parler des heures, mais en tout cas, c'est toujours pour moi inspirant de jouer avec lui. J'apprends à chaque fois, encore en l'écoutant lors de son dernier chorus à l'instant. Magnifique musicien, Laurence Gris à la basse et à la contrebasse. Voilà, il est caché quelque part, mais en tout cas, il est là et son oreille est encore là, sa guitare est là. Donc à la guitare, un musicien aussi incroyable, qui a une main droite que beaucoup de guitaristes de très haut niveau pourraient envier, à la guitare, Pierre Boretti. Pierre Boretti. Thank you. Merci beaucoup, on va continuer avec une composition de nous. Alors je sais que parmi vous il y a pas mal de gens qui suivent notre musique depuis quelques siècles, donc je m'excuse auprès d'eux de répéter l'histoire. Mais pour ceux qui la découvrent, j'aimerais vous raconter la genèse du morceau qu'on va vous jouer. Il a été composé lui aussi en Polynésie, c'est un endroit où on a eu l'occasion de donner notre musique régulièrement, on a eu cette chance-là. Et en fait il y a un archipel qui s'appelle l'archipel des Tuamotu. C'est un archipel qui est au nord-est de Tahiti. Et donc ce sont d'immenses atolls. La particularité de ces atolls, en fait, c'est que pour un touriste qui est de passage, c'est un beau petit paradis, mais pour les gens qui habitent là-bas, eux, les Pomutu, ce sont les habitants des Tuamotu, ils appellent ça le secteur. C'est un nom un peu moins romantique pour parler de ces plages magnifiques qu'on peut voir parfois en photo avec un bleu turquoise d'une beauté impossible, et pourtant. Et la première fois que je suis allé dans l'archipel des Tuamotu, j'ai été conquis par la beauté et la force de la nature. Et le soleil était vraiment très très fort, et j'ai cherché un petit peu d'abri, je me suis mis sous un arbre. Et au bout d'un moment, quelque chose a attiré mon attention. Parfois on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, bien souvent. Et en fait, c'est un son très léger qui a attiré mon oreille, et en levant les yeux dans l'arbre, j'ai vu qu'il y avait des centaines de papillons, donc les papillons monarques qui peuvent traverser les océans avec un GPS bien mieux que le nôtre, sans jamais se tromper, et qui étaient venus ici se reposer avant de repartir ailleurs, alors que nous sommes en plein milieu du Pacifique, loin de tout, mais en même temps tellement près d'autres choses. Et en fait, même si ce sont des animaux discrets, quand on tend l'oreille, et si un jour vous avez l'occasion de les écouter, on entend le chant de leurs ailes, et c'est quelque chose d'indescriptible et d'une beauté incroyable. Et il y a eu une petite brise qui s'est levée, une brise du Pacifique au départ, et les feuilles elles aussi se sont mises à faire des biorhythmes et des chants magnifiques. Donc le chant des ailes de papillon et du chant des feuilles se mélangeait, c'était d'une beauté incroyable. Et ensuite, après le sens de l'oreille, de l'odorat aussi, parce que ce petit arbre, je vais vous en parler après, a attiré mon attention au niveau de mes pieds. Et je me suis aperçu que ces racines allaient dans du corail qu'on appelle le corail mort. Comme vous le savez, malheureusement, maintenant, les coraux ont tendance à disparaître très vite, trop vite. Et ce petit arbre, un peu comme les cocotiers, arrivait à prendre de l'énergie dans une terre dite stérile. Il faisait concurrence au sempiternel cocotier. J'ai découvert après que cet arbre s'appelle le kahaya. Donc c'est un arbre... vraiment de l'archipel des Tuamotu. Et finalement, ce que m'a appris cet arbre, parce qu'on peut apprendre énormément de choses de la nature, et le divin passe par la nature pour s'exprimer, c'est qu'en fait, parfois, on va chercher très très loin, c'est le cas de notre serviteur, pour aller chercher certaines énergies, et qu'à nos pieds, l'essentiel est souvent là. Dans une terre granitique comme ici, on peut s'en apercevoir souvent. Assez étonnamment, en écoutant donc pendant un temps indéterminé vraiment le chant de ces feuilles, il y avait aussi le clapotis du Pacifique. Étonnamment, j'ai reconnu une samba. Et pourtant, je sais qu'on était loin de Rio de Janeiro ou de Sao Paulo. Mais très clairement, il y avait un rythme de samba dans tout ça. Donc, on va jouer ce morceau qui est finalement un hommage à un arbre, à l'énergie de joie que donne un arbre. Il y a aussi un peu la gaieté du peuple polynésien. C'est un peuple qui s'est gardé une gaieté incroyable, quoi qu'il lui arrive. On a beaucoup à apprendre de lui, je trouve. Et c'est un peuple que j'aime profondément. L'océan Pacifique n'est pas toujours bien nommé. C'est-à-dire que l'intérieur du lagon, vous avez un miroir bleu turquoise d'une beauté incroyable qui est souvent très calme. Parfois, on peut vraiment être devant le miroir. Et en même temps, à l'extérieur du lagon, vous avez le Pacifique, pas toujours bien nommé, qui va s'exprimer d'une façon parfois très forte. Ça va être le cas à un moment dans le morceau. Donc voilà, on va vous jouer une samba extrêmement trafiquée, inspirée de l'archipel des Tuamotu, d'un arbre, de la joie du peuple polynésien, et de notre joie à nous d'être ici avec vous cet après-midi. Voilà. Thank you. Merci beaucoup Laurent et moi, on va continuer avec un petit morceau inspiré par ces instruments que je suis heureux de vous faire entendre. Je pense qu'en France, ce sont peut-être les seuls. Ces instruments s'appellent des gaïtas. Ce sont des instruments qui viennent de la côte atlantique et de Colombie. Ce sont des instruments qui sont joués par des gens qui vivent à la campagne d'une façon très particulière. Ce sont des instruments un peu chamaniques, qui sont très près aussi d'une danse de la nature, parce que les gens là-bas sont proches de la nature. La particularité de cet instrument, alors c'est un instrument qui est assez difficile à jouer, il faut gagner le son, mais quand on l'a gagné, on est vraiment, on a chopé le pompon, comme on dit. Et la particularité, c'est cette embouchure que vous pouvez voir, en fait, un peu noire. En fait, c'est à base de cire d'abeille. Et donc, le pays était envahi il y a très longtemps, ils ont découvert la cornemuse. Qui était amené par les marins, ils ont transformé ça à leur façon, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et vous allez voir le son d'une particularité réellement singulière. Aussi dans un monde où, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux abeilles, où les abeilles ont tendance à pas mal souffrir, voilà, on va penser à elles en jouant ce morceau. Vous savez mieux que moi leur importance dans la petite vie des hommes, aux abeilles. Donc, normalement, il faut être plusieurs musiciens pour en jouer, chacun un rôle. Je n'ai pas réussi à ramener d'Indien colombien, mais une prochaine fois peut-être. Donc, voilà, je suis très heureux de vous faire écouter ces instruments. C'est un son qu'on n'entend jamais ici. Et je trouve qu'il y a encore des petits trésors qui sont cachés dans le monde, même si les musiques traditionnelles sont en train de mourir, malheureusement, les unes après les autres, sous l'excuse d'une forme de multiculturalisme, où finalement, beaucoup de musiques perdent leur essence. Donc voilà, celles-ci, pour l'instant, elles n'ont pas été récupérées. Je suis heureux avec Laurent de vous faire écouter leur son très particulier. Donc il y a une gaïta mâle et une gaïta femelle. Et chacune a un rôle un petit peu particulier. Donc voilà, on va essayer de vous emmener dans les montagnes de la côte atlantique de la Colombie. Thank you. Alors, vous êtes en train d'écouter le concert de Yann Vanneck donné chez Francis Fini, le sculpteur, à Prouzemont, dernièrement, avec 150 personnes et un public évidemment enthousiaste au milieu des sculptures de Francis, donc rencontre de deux génies, l'un de la sculpture, l'autre de la musique, vraiment époustouflant. Yann Vanneck, vous allez d'ailleurs entendre encore la deuxième partie de ce concert. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, je ne vais pas vous parler de ce morceau aujourd'hui. Mais en tout cas, celui qu'on va maintenant vous jouer s'appelle Requiem pour Papillon. Et en fait, c'est un petit requiem qui a été écrit pour une petite chatte qui m'a appris beaucoup. C'est encore un hommage aux autres êtres que les êtres humains. On écrit toujours des requiems pour les humains, mais j'avais envie d'en écrire un pour les abeilles, pas pour mon coteau. Et puis, pour un chat. Je sais que sûrement beaucoup d'entre vous ont des chats, mais c'est des êtres dont on peut apprendre beaucoup. Mais en tout cas, voilà, cette chatte m'a appris beaucoup. Elle est toujours là, et donc c'est un petit geste pour elle. Et puis, ce sera un clin d'œil à tous vos chats que je ne connais pas. Voilà, ces animaux qui peuvent voir l'invisible et qui peuvent nous protéger de beaucoup de choses, les chats. Thank you. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'aimerais encore vous présenter à la guitare Pierre Boretti. Pierre Boretti. Les percussions à la batterie Bertrand Monneret. Bertrand Monneret. À la basse, à la contrebasse, Laurent Sigrist. Laurent Sigrist. À la guitare, aux instruments différents, aux compositions, aux arrangements, Yann Vanek. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour votre belle écoute. Les téléphones portatifs se sont invités. Et il y a certains morceaux qu'on devait jouer qu'on ne jouera pas. Une prochaine fois, j'espère. La matrice n'avait pas sa place ici, mais pourtant, elle arrive toujours à s'immiscer. On va quand même essayer de vous recentrer dans la musique et de vous déterrestrer un petit peu, voire de vous désiécliser, parce que c'est vrai que ces appareils ramènent toujours à la même chose, finalement. Donc, on va vous jouer un morceau très important pour moi. Mais avant... Non, je voulais encore remercier infiniment le propriétaire de ces lieux, Patrice Cuny, qui vraiment nous accueille avec beaucoup de gentillesse, et puis on découvre son art avec vraiment beaucoup de joie et beaucoup d'admiration, parce que nous sommes musiciens et on ne se sent pas toujours en accord avec les artistes ou les artistes autodéclarés dans ce monde moderne. Et en tout cas, ici, on s'est senti un peu comme à la maison. Donc, merci infiniment, Francis, pour ton accueil, et à tous les tiens, et tous les gens qui ont participé. Et puis, donc, une fois de plus, merci infiniment à Brigitte et Étienne, et tous les gens de leur association que je ne connais pas, qui ont participé à ce que cette musique se donne ici. Ils m'ont contacté avec beaucoup de bienveillance quand j'étais donc dans le Pacifique Sud, aux Antipodes. Et on a envie de transmettre l'énergie des Antipodes ici. Aussi, il y a plein d'éléments dans notre existence qu'on oublie qui permettent qu'on puisse donner de la musique ici. Et finalement, il y a des gens qui ont construit cette maison il y a sûrement fort longtemps. Donc il y a aussi leur énergie dans les poutres, dans les murs. Le feu qui nous donne cette si belle odeur, cette maison qui s'est un peu consumée à un certain temps. Et tout ça, c'est de la belle énergie. Donc le morceau qu'on va vous jouer, le petit morceau s'appelle « Soleil blanc ». Pour moi, c'est un hymne. Quand j'avais l'âge de 15 ans, en grand dame de mes parents, j'écoutais Léo Ferré. C'était mal barré après. Et dans une chanson qui s'appelle « Préface », où il parle du monde dans lequel nous vivons maintenant, il avait bien senti les choses. Il dit « Nous vivons dans un monde épique et on n'a plus rien d'épique ». La musique se vend comme le savon à barbe, etc., etc. Et souvent, c'est vrai, je le trouve. Et quand j'ai écouté cette chanson à 15 ans, je me suis dit, je ferai tout en sorte pour ne pas être trop dans cette matrice-là qu'on nous dicte, pour arriver à donner une musique d'une autre façon. C'est pour ça que je n'ai pas de portable. Et donc, on va vous jouer ce morceau qui s'appelle Soleil blanc. C'est aussi un clin d'œil à l'énergie médiévale européenne d'une certaine époque. Et ce morceau est né d'une vision assez étonnante, où on pouvait voir ce qu'on a, des chevaliers à l'époque de Montségur, 244, qui protégeaient la fuite de ce qu'on appelle les parfaits cathares. Et dans cette vision, il y avait des chevaux, il y avait aussi des minotaures, vous allez peut-être pouvoir les entendre. Et ce morceau aussi est un hommage à un grand pianiste nord-américain qui s'appelle McCoy Tanner, qui a accompagné John Coltrane pendant très longtemps. Et ce morceau est aussi une clameur. La musique doit être, je pense, une clameur, en tout cas elle peut l'être, mais elle ne l'est plus toujours. Vous allez voir, c'est un morceau très particulier qu'on va vous donner. Je le donne tant que la nature me permet d'avoir la force de le faire, et comme si c'était la dernière fois. Voilà, c'est notre façon aussi de vous dire merci. Merci pour votre écoute, merci pour cette énergie que vous nous avez apportée. Une fois de plus, on espère que la musique rendra notre monde un petit peu meilleur. On est très heureux d'avoir joué pour vous. Merci beaucoup et au revoir. Thank you. écoute. Voilà. Eh bien, c'était un concert fabuleux de Yann Vanneck et de ses musiciens. Yann Vanneck avec plein d'instruments, ce génie, ce El Duende, comme le dit Federico Garcia Lorca, c'était aussi, puisqu'Islain est mort il y a peu, El Duende, c'est un texte que Islain a dit, il s'est passé sur France Culture. Je recommande d'ailleurs ce texte de Federico Garcia Lorca, qui dépeint très bien le génie. Là, c'est un génie de jazz manouche, vous avez entendu, mais ça désigne aussi le joueur flamenco, ça désigne de toute façon tous les poètes inspirés et tous les peintres, ou bien sculpteurs, ou bien musiciens, bien sûr, encore plus peut-être, avec cette dextérité, c'est fabuleux, ces doigts qui vont à l'infini. Yann Vanney, oui, il part en impro, fabuleux, vous l'avez dit, voilà, une rencontre exceptionnelle et un homme d'un calme par ailleurs, est vraiment étonnant, c'est vraiment une tête intellectuelle, il vit d'une façon, il a vécu comme un ermite, et là, en plaçant les mines, il est un peu à la lumière de la forêt, je crois, voilà. Voilà, et lui, il n'a pas de portable, il n'a pas de portable, bon, nous, on a besoin de ça, mais lui, il est vraiment dans une sensibilité extraordinaire. Par exemple, il va dans les galeries de mines, de plaçant les mines, et il va faire sonner les instruments pour savoir si c'est des galeries en do, en ré, en... Bon, bref, la musique et des profondeurs, voilà. Bon, et c'est Francis Cuny, bien sûr, il faut aider pour sauvegarder sa fabuleuse cabane aussi. On y reviendra sur Francis, on fera des balades en septembre. Mais avant, j'avais quand même indiqué, j'ai rappelé le prochain rendez-vous, dans le cadre des arts mélangés, de la communauté des Hautes-Vosges, de la communauté de communes des Hautes-Vosges. Ah, il y a beaucoup d'activités, il faut regarder sur le site de la Comcom. Mais nous, bon, j'insiste sur les trois rendez-vous que je donne pour nous, un peu spécialement. Le 9 juin, atelier d'écriture, le samedi 9 juin, atelier d'écriture à la médiathèque de Saussure, 9h30, c'est tout gratuit bien sûr, je précise, 9h30, avec la langue de travers et l'Union des écrivains voisins, donc thèmes qui sont des liens, c'est le cas de le dire, et là, on qui soit des liens avec le passé, le château de Saussure, le trans château de Saussure, et avec le futur 1068, qui est aussi l'utopie. Voilà, et entre nous, on tissera des liens, bien sûr. Le dimanche 10 juin, ce sera Chemin des Lisières 2, à Blanche-Mer, et c'est Eldorado, donc Eldorado, comme un radeau. C'est la suite de Chemin des Lisières 1, donné en 2014, créé en 2014, où c'était trois personnages errants, un lieu étrange qui s'arrête, et puis un couple, et puis des tas de gens bizarres, errants, à la limite du fantastique, bien sûr, ou même dans le fantastique carrément. Et là, ils recherchent les mines de l'imaginaire perdu. Eldorado, effectivement. D'ailleurs, il y a un radeau où tout notre groupe va se retrouver en remontant un fleuve à l'envers, peut-être l'Amazone ou la Moselle, ou la Moselle, je ne sais pas précis. Alors, ça a été, ça sera donné dans la 15h à Blanche-Mer, au lac de Blanche-Mer, dans un parcours autour du lac, appuyé par, les scènes seront données tout au long du lac, avec une pérégrination que mèneront à Michel Zénini, musicien, Christophe Toussaint, musicien, Jean-Claude Musson, au violon aussi. Et ça se fera aussi le mercredi 13 juin, pareil, 15h, mais au Cascade de Tendon. Voilà, c'est pas un circuit. Ça sera des parties de Cascade, arrivée dans le Cascade, et derrière la calèche des musiciens, eh ben on suivra, on donnera de scène tout du long. Voilà. Et à la fin, à Blanche-Mer, vers 17h, on va dire, ça sera un bœuf musical avec un pot offert à tout le monde. Et puis, pareil, à la grande Cascade de Tendon, pour aller cette fabuleuse Cascade. Voilà. Rendez-vous, puis il y a plein d'autres trucs pour la fête des arts mélangés aussi. Mais là, je vous recommande, c'est rendez-vous. Bonne nuit.